Bonjour mesdames, bonjour messieurs, fidèles auditeurs de la radio Isanganiro. Nous sommes mercredi le 19 mai 2021. Bienvenue à cette édition de la mi-journée du journal en langue française dont voici les grandes articulations. Fusillade dans la nuit de ce mardi en commune Ndava de la province Mwaro. Une personne est morte succombant aux blessures par balles tirées par des hommes armés non encore identifiés. La baisse des recettes est l'une des conséquences de la coupure de certains tronçons sur la route nationale numéro 3 et 16, sur les routes nationales numéro 3 et 16, reliant Bujumbura, Rumonge et Bururi. Le gouverneur de Rumonge dit que certains habitants se sont mis ensemble pour essayer tant bien que mal d'effectuer de petits travaux afin de permettre le passage. Un système de règlement de conflits et de lutte de prévention contre les messages haineux était bien établi dans la culture burundaise avant l'ethnisme. Dans la chronique Parlera sur moi d'aujourd'hui, l'historien et chercheur Aloïse Ebatungwanaye nous en parle. Voilà pour le sommaire. Armel Mutore est au micro. La mise en onde est assurée par Eric Ouiman. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Rebonjour, page sécurité pour débuter avec ce journal. Une personne nommée Dismas Ngendakuriyo, habitant la colline Gatsinga de la commune Ndava en province Mwaro, a été tuée fusillée la nuit de ce mardi par un groupe d'hommes armés non encore identifiés. Aloïse Ndenzako, administrateur de la commune Ndava, a dit que cette personne a succombé aux blessures par balle de ce groupe en fuite après différentes attaques dans plusieurs endroits au chef-lieu de cette commune. Il interpelle la population à renforcer la collaboration au niveau des comités mixtes de sécurité afin de maintenir la paix et la sécurité. Laurent Dikuriyo. Selon les informations fournies par Aloïd Ndenzako, administrateur de la commune Ndava, c'était vers 22h30 de cette nuit de mardi à mercredi quand un groupe de trois malfaiteurs armés de fusils Kalachnikov et de grenades ont commencé à tirer sur le bureau du commissariat de police Ndava situé à Fota, au bar appelé Kugase Deli et à la mosquée de la place. L'administrateur de la commune Ndava dit que la police du commissariat communal de Ndava et celle du commissariat provincial de Mwaro ont vite intervenu pour empêcher que ce groupe ne commette des dégâts dans le repli en direction de Buzira Chanda. Ce groupe a tiré sur Dismas Ngendakuriyo, connu sous le surnom de Rutozi, de la colline Gatsinga, sous colline Muramba. Ce dernier est mort sur le champ, selon l'administrateur de la commune Ndava, qui ajoute que son corps a été ensuite amené à la morgue de l'hôpital de Kibumbu. L'administrateur de la commune Ndava dit que ce groupe n'a pas pu commettre de vol. Il ajoute que des enquêtes relatives sont déjà en cours. Il souligne qu'il compte tenir au cours de la journée de son mercredi. Il souligne qu'il compte tenir au cours de la journée de son mercredi une réunion à l'endroit de la population pour apaiser les esprits. Il demande à la population de sa commune de renforcer la collaboration dans le cadre de la quadrilogie pour maintenir la sécurité. Il demande à la population de cette commune d'informer à temps les autorités habilitées sur tout fait inquiétant que les remarques de Mwaro. Laurent Dikuriyo, Radio Isanganiro. Laurent Dikuriyo, nous disons merci. Page santé à présent. Le cadre d'expression des malades de Semabou d'y être inquiet du projet d'augmentation du prix de la carte d'assistance médicale CAM pour personnes démunies qui va passer de 3 000 à 25 000 francs burundais. Sylvain Habanawakize, porte-parole de ce cadre de dialogue, trouve que la hausse du prix de cette carte ne va pas faciliter les citoyens burundais à accéder aux soins de santé. Il demande au gouvernement de trouver d'autres moyens pour augmenter les recettes, sans pour autant augmenter le prix de cette carte. Suivez Sylvain Habanawakize, porte-parole du CEMAB. Ça a été une désolation, un sentiment d'angoisse et d'amertume quand nous avons entendu que le gouvernement a déjà planifié l'augmentation du prix de la CAM. Au niveau de notre organisation, nous avons des inquiétudes à partir de l'expérience que nous avons. Nous avons déjà observé qu'il y a pas mal de personnes qui ne peuvent pas se payer les 3000 francs par le manque de moyens financiers. Nous voyons que la situation sera catastrophique car quelqu'un qui manque 3000 francs ne va pas trouver 25 000 francs ou 100 000 francs. Nous avons une autre inquiétude de savoir comment l'autorité habilitée va distinguer les gens qui payeront 25 000 francs ou 100 000 francs. C'est-à-dire que suite à cette augmentation, au niveau de notre organisation, au niveau du CEMABU, nous voyons qu'il y aura un impact certain car on observera sans doute une réduction des assurés, usagers de la CAM, ce qui conduira à la détérioration de la santé de certains gens qui utilisent la la CAM. Nous profitons de cette occasion pour demander au gouvernement de ne pas considérer ce secteur, voire un autre secteur qui peut aider le gouvernement à augmenter son budget. Nous profitons également de cette occasion pour demander les élus du peuple, les députés, de ne pas voter cette loi. Parce que les députés savent qu'il y a des gens qui ne sont pas en mesure d'avoir les moyens de se payer 25 000 francs ou 100 000 francs. Nous profitons également de cette occasion pour demander les gens qui utilisaient la CAM de rester tranquilles. Peut-être que le gouvernement va attendre notre demande et sans doute nous espérons que les députés vont plaider pour eux. Lors des amendements du projet de loi portant fixation du budget général pour l'exercice 2020-2021 à l'Assemblée nationale, il a été décidé que la carte d'assurance maladie CAM sera achetée à 25 000 francs pour les gens à moyen revenu, 100 000 francs burundais pour les gens à revenu élevé et sera donnée gratuitement pour les indigents. Le ministre en charge des Finances a souligné que les recettes issues de la vente de la carte CAM reviendraient à la fiscalité pour l'Office burundais des recettes. Après une courte pause, la suite de ce journal. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Page éducation à présent, le choix de l'examen peut se faire n'importe quand. C'est l'avis du directeur général des curricula et des innovations pédagogiques au ministère de l'Éducation et de la Recherche scientifique. Professeur André Ndouimana intervient après que certains parents membres des comités des parents en mairie de Bujumbura aient formulé des inquiétudes en rapport avec le choix anticipé des examens en réseau. À ces derniers disent que les tricheries risquent d'avoir lieu comme au deuxième trimestre. Le professeur André Ndouimana tranquillise. Suivez-le, il a été joint au téléphone par Évariste Nzikobanya. La date du choix de l'examen, ce n'est pas un problème. Parce que le choix d'examen, il est fait sur la matière, sur le programme. Alors, il y a une matière qui est prévue dans tout le pays, dans toutes les disciplines, dans tous les domaines, pour le troisième trimestre. Et l'examen est choisi sur la matière prévue. Choisir l'examen avant le troisième trimestre, à la fin ou au milieu du deuxième trimestre, au niveau pédagogique, ça ne crée aucun problème. Parce que pour nous, au niveau du ministère, je veux dire, nous espérons que toutes les écoles, toutes les classes auront terminé la matière à la fin du trimestre. Est-ce que réellement son choix de l'examen anticipé a eu lieu ? Il y a eu une évaluation des examens en réseau ou en commun avec le ministre dans tout le pays, avec tous les directeurs provinciaux de l'éducation. Et l'appréciation est tout à fait bonne. Il est bien sûr évident qu'en mairie de Bujumbura, il y a eu de la tricherie dans une commune et la directrice provinciale de l'éducation en mairie de Bujumbura a promis de faire tout, de prendre toutes les précautions pour que ce qui s'est passé ne puisse se répéter. Alors, concernant la date du choix, si l'examen a été choisi ou pas, je ne sais pas, parce que cela rentre dans les attributions, dans l'organisation interne de la direction provinciale de l'éducation. Vous comprenez qu'au niveau du ministère, on n'entre pas dans ces détails. Mais bien sûr, je pense que vous devez comprendre que là où il y a des humains, il y a des rumeurs, et ces rumeurs ne peuvent pas, si vous voulez, conduire à une décision au niveau du ministère. Nous, une fois que nous sommes saisis comme ça, on fait plus attention et on collabore davantage avec la direction provinciale pour juguler toute source de tricherie et les prévenir en temps réel. C'était le professeur André Ndouimana, directeur général des curricula et des innovations pédagogiques au ministère de l'Éducation et de la Recherche scientifique. L'impraticabilité de certains tronçons sur les routes nationales numéro 3 et 16 reliant les villes de Bujumbura, Rumonge et Bururi affecte négativement les recettes perçues en province Rumonge. Le gouverneur de cette province qui le dit affirme également que certains commerçants profitent de l'état de ces routes pour hausser les prix des produits. Consolateur Nitunga précise en outre que les habitants de la colline de Murambi où s'observe l'effondrement de la route numéro 16 sont en train d'effectuer de petits travaux permettant le passage. Suivez-le au téléphone avec Mireille Kanyang. La route Rumonge-Bururi a été endommagée à cause du glissement de terrain où va occasionner un espace non applicable, mais quand même, en tant qu'administration, on est arrivé sur le lieu pour constater les dégâts. Mais nous avons donné des conseils à la population locale pour qu'elle puisse aménager un passage qui peut être utilisé à tous les véhicules passant par cette route. Nous pensons qu'avec ce samedi, il y aura des travaux communautaires qui seront organisés à cet endroit pour corriger les erreurs qui ont été manifestées sur cette route. Aussi, nous avons approché l'agence routière du Burundi pour qu'elle puisse arriver sur le terrain en vue de constater, étant ensemble, trouver une solution qui peut être adéquate. Vous parlez de l'appui de la population. En attendant la réaction de l'agence routière du Burundi ou d'autres organes de l'État, est-ce que vraiment, vu la situation ou la gravité de la situation, vous pensez que cette contribution de la population suffit? Cette contribution de la population suffit, et c'est une contribution provisoire. C'est la raison pour laquelle nous organisons des travaux communautaires pour que le chemin qui est coupé puisse être réhabilité. La force de la population, c'est qu'ils amènent des graviers, ils amènent tout le matériel nécessaire pour remplir la localité qui a été endommagée. Et j'espère que c'est une solution provisoire. L'Office des routes nous dira beaucoup de choses par rapport à ces réalisations, à ces réparations de cet endroit qui a été touché par le glissement de terrain. Vous n'avez pas de crainte qu'il y aurait une hausse des prix pour différents produits? Oui, oui, nous avons observé une hausse de prix sur certains produits comme les produits Braroud et d'autres produits qui viennent de Bujumbura. Mais nous avons interpellé les commerçants qui nous amènent ces produits pour qu'ils ne puissent pas appliquer des prix exorbitants. Au moins, chercher les dépenses qui ont été occasionnées par le déplacement de ces produits en les transvasant au lieu d'Okirasa seulement, sans toutefois rehausser les prix d'une façon exorbitante. Donc nous suivons de près en tant qu'administration pour qu'il n'y ait pas exagération de montée de prix de ces produits venant de Bujumbura pour que la stabilisation des coûts au sein de notre province puisse s'observer définitivement. Est-ce que ça n'a pas d'impact sur des recettes communales à Rumonge ou au niveau provincial? Ah oui, oui, en tout cas, ça a un impact négatif sur les recettes communales au sein de notre province, vous le savez. Et si les marchandises ne viennent plus, si le mouvement ne s'opère pas convenablement, immédiatement, les recettes diminuent, mais quand même, nous encourageons les percepteurs pour que les recettes qui peuvent être perçues puissent arriver dans les caisses de l'État. C'était le gouverneur de la province de Ngozi. Ils sont entretenus au téléphone avec Mireille Kanyange. Page rapatriement à présent. Deux convois de 700 rapatriés chacun constituent l'effectif des rapatriements des Burundais réfugiés en Tanzanie par semaine. Cela ressort du rapport de la 25e réunion du groupe de travail technique de la commission tripartite pour le rapatriement volontaire des réfugiés. Ce mercredi, Abdul Karim, représentant du Haut Commissariat pour les réfugiés, signale que cette instance reste engagée à soutenir le rapatriement volontaire des réfugiés. George Simba Chawe, ministre tanzanien des Affaires étrangères et des Affaires intérieures plutôt, dit qu'un réfugié ne devrait le rester de façon permanente. Son homologue Gervain Ndirakobucha, ministre burundais ayant les affaires intérieures dans ses attributions, fait savoir que le gouvernement burundais a le devoir d'accompagner les rapatriés dans la satisfaction de leurs besoins de base. Omer Ndouaï. Lors de cette réunion, Abdul Karim, représentant du Haut Commissariat pour les réfugiés au Burundi, dit que le rapatriement est la première étape aux solutions durables pour les réfugiés. Il fait savoir que la réunion de la commission tripartite est l'occasion d'évaluer les succès et de faire le bilan, signalant que le HCR reste engagé à soutenir le rapatriement volontaire des réfugiés burundais. Quant à George Simbachawi, ministre tanzanien chargé des affaires intérieures, voit cette réunion comme un bon d'unir les forces dans la sensibilisation des réfugiés au rapatriement. Selon lui, une personne quitte son pays à cause d'un problème quelconque, mais quand le problème n'est plus, rester dans un pays d'asile n'a pas de sens. Complété par son homologue burundais, le gouvernement burundais va améliorer les centres de transit et 1400 rapatriés seront accueillis chaque semaine. Gervain Ndirakobucha indique que c'est un devoir du gouvernement d'accompagner les rapatriés. Cependant, la pandémie du COVID-19 entrave le processus et l'exercice du rapatriement, considérant que les centres d'accueil n'ont pas de capacité de dépistage. Depuis 2017, plus de 120 000 personnes se sont rapatriées et la Tanzanie abrite près de 270 000 réfugiés burundais pour le moment. Merci Omer Ndouayo. Plus de 100 personnes parmi la population de la zone Butahana en commune Mabaï de la province Cibitoke ont bloqué la route menant vers le site d'extraction de minerais de la société Tanganyika Mining. Ils disent ne pas avoir bénéficié des indemnisations sur leurs terres depuis 3 ans. L'administrateur de la commune Mabaï dit être au courant de la situation de ces personnes et promet qu'une solution sera trouvée dans les brefs délais. Ornella Mucho. Plus de 100 habitants des 6 communes de la province Cibitoke, dont Mageyo et Gahuma, se plaignent contre la société Tanganyika Mining Burundi, chargée de l'exploitation de l'or sur l'indemnisation de leurs champs et autres biens. Ils disent que c'était prévu qu'ils soient indemnisés depuis l'an 2019, mais en vain. Et comme conséquence, ils n'arrivent pas à nourrir leur famille, souligne-t-il. Un d'eux ajoute qu'il y a une catégorie des gens qui a déjà été indemnisée. Selon lui, ceux qui ne sont pas indemnisés jusqu'à présent, c'est une population vulnérable. Il réclame qu'ils soient indemnisés et demande à l'État de prendre en main cette question. Le conseiller de l'administrateur de la commune Mawaï, Renova Yalanyumvillé, reconnaît cette situation et tranquillise la population que bientôt cette question sera résolue. Il demande toutefois à la société Tanganyika Mining Burundi de fournir plus d'efforts en ce qui est indemnité de ses habitants pour trouver solution à ce problème. Parle, rassure-moi. La culture burundaise avait établi un système de règlement des conflits ou des messages haineux échangés entre les membres de différents clans. Dans la chronique Parle, rassure-moi d'aujourd'hui, l'historien et chercheur Aloïse Ebatungwanayo explique que ce système a failli quand les Burundais ont commencé à prioriser les ethnies au détriment des clans vers les années 1925. Cet historien dit que ces ethnies étaient bâties sur l'exclusion et la diabolisation. Obenyonglu. La société burundaise au départ était construite à base des clans. Ici, il y avait un système de règlement de toutes sortes de conflits entre les clans. Selon Aloïse Ebatungwanayo, c'est vers les années 1925 qu'il y a eu un basculement. Les Burundais ont alors adopté un système qui met en avant les ethnies plutôt que les clans. Ce nouveau système, malheureusement, mettait en avant les antivaleurs. Depuis 1925, les Burundis ont fait un shift et ont adopté plutôt les ethnies que les clans. Et les ethnies ont été bâties sur l'exclusion. Les ethnies ont été bâties sur la diabolisation. Et du coup, il y a eu un changement de comportement au niveau des Burundis. Les Burundis ont commencé à mettre en avant les antivaleurs au lieu de mettre en avant des valeurs. Dans ce nouveau système, les gens ont plutôt tendance à beaucoup faire des éloges aux auteurs de ces antivaleurs au lieu de célébrer les auteurs des valeurs. Suivez encore une fois Loïse Batungwanayo. Lorsqu'on parle d'antivaleurs, c'est-à-dire qu'il y a des concepteurs de ces antivaleurs. Et comme conséquence, jusqu'à aujourd'hui, nous célébrons ces auteurs des antivaleurs au lieu de célébrer les auteurs des valeurs. Je vous donne un exemple. S'il y a eu des crimes en 1972, en 1965, 88, 93 et jusqu'à 2008 ou même plus au-delà, on a toujours tendance à parler des gens qui ont orchestré ces crimes au lieu de parler des gens qui se sont opposés. Donc, c'est-à-dire que même si on fait une petite enquête aujourd'hui, on parle beaucoup plus de Michombero comme quelqu'un qui est accusé d'avoir planifié ce qui s'est passé en 72. C'est rare qu'on parlera des gens qui ont sauvé d'autres en 1972. Comme moyen de trouver solution ou de limiter les messages de haine, cet historien et chercheur propose de célébrer les personnes qui ont dit non au crime. Si on voudrait prévenir ces messages de haine, il faut d'abord célébrer ces hommes, ces femmes qui ont pris le taureau par les cornes et ont essayé d'arrêter les crimes. Parce que un crime n'est pas seulement arrêté par la force. un crime est arrêté par le verbe, d'abord par le mot. Parce que le crime est planifié par les mots. L'historien Batungwanayo propose aussi comme stratégie de travailler sur les individus qui constituent parfois des pouvoirs publics. Merci au Ben Yonguru pour cette chronique. C'est par cette chronique même que nous mettons un point final à ce journal. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive. Au micro, vous étiez avec Armel Moutore. La cabine technique était assurée par Eric Ouimana. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Au revoir.